إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, chers auditeurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et vous assiste. Ceci est le troisième cours du livre intitulé « Explication de la parole de l'unicité » de l'éminent savant Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab Rahimahullah rahmatan wasi'a, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Donc l'auteur nous dit Rahimahullah, ce qui est voulu, ce n'est pas de prononcer cette parole en ignorant son sens. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, après avoir mentionné l'importance de cette parole, il nous cite un point très important que beaucoup de personnes s'affiliant à l'islam ignorent. En effet, beaucoup de musulmans, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, ont la ferme conviction que le simple fait de dire « La ilaha illallah » avec la langue est suffisant, sans pour autant connaître son sens. Et ceci est une mauvaise compréhension. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de dire la parole d'unicité en connaissant son sens et en mettant en pratique ce qu'elle implique. Ainsi, il n'est pas suffisant de la prononcer sans connaître son sens, car dans ce cas, il n'est pas possible de croire en ce qu'elle implique, car il est impossible de croire en une chose qu'on ignore. Il faut donc obligatoirement connaître son sens pour pouvoir en avoir la conviction. De ce fait, il est obligatoire d'apprendre son sens. Quant à la prononcer sans comprendre son sens, ceci n'est pas profitable. Également, ce n'est pas suffisant de croire en cette parole avec son cœur et de la prononcer, car il faut ajouter à cela la mise en pratique de ce qu'implique cette parole. Ensuite, l'auteur nous dit, Rahimahullah, car les hypocrites la disaient et ils sont en dessous des mécréants dans le plus bas degré de l'enfer, alors qu'ils prient jeûne et donne l'aumône. Pour montrer que cette conviction est erronée, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a cité l'exemple des hypocrites. Et ce qui est voulu par le terme hypocrite, dans la parole du Cheikh, est l'hypocrite dans la croyance. Car l'hypocrite est de deux catégories. Celui dans la croyance, c'est-à-dire celui qui montre l'islam et cache la mécréance. Et c'est cette catégorie qui est visée dans le verset 64 de Sourate le Repentir. Allah subhanahu wa ta'ala dit « يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ اِسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ » Les hypocrites redoutent qu'on ne révèle une sourate dévoilant ce que recèle leur cœur. Dis-leur, moquez-vous, Allah dévoilera ce que vous redoutez. Tandis que la deuxième catégorie est l'hypocrite dans les œuvres. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'agré, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les signes de l'hypocrite sont trois. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Et lorsqu'on lui fait confiance, il trahit. » Et dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que les hypocrites proclament leur foi. Comme dans le verset 14 de Sourate Al-Baqarah, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا » Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « Nous croyons ». Et dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il proclame que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Comme dans le premier verset de Sourate les Hypocrites, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ » Lorsque les hypocrites viennent te trouver, ils disent « Nous attestons que tu es le messager d'Allah. » Néanmoins, tout cela ne leur sert à rien, car ils sont dans le plus bas degré de l'enfer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le verset de Sourate An-Nisa, « Inna al-munafiqina fi d-darki al-asfali minan nar, wa lan tajida lahum nasira » Les hypocrites seront au plus bas degré de l'enfer, et tu ne leur trouveras jamais aucun secours. En plus de dire la parole de l'unicité, il faisait d'autres œuvres de bien, telles que la prière, le jeûne et l'aumône, comme l'a mentionné l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde. Mais cela ne leur fut pas profitable, car Allah subhanahu wa ta'ala réduit leurs œuvres en poussière éparse, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 23 de Sourate Al-Furqan, Sourate le discernement, il dit « وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا » Nous considérerons leurs œuvres et les réduirons en poussière éparse. Et tout ceci nous montre que le simple fait de dire la parole d'unicité ne suffit pas. Et la question qu'on peut se poser, et que faut-il faire alors? L'auteur, rahimahullah, nous dit par la suite, « Mais ce qui est voulu, c'est la dire, en la connaissant avec son cœur, l'aimer, ainsi qu'aimer ses adeptes, et détester ceux qui la contredisent et qui ont de l'inimité envers elle. » En effet, il est obligatoire de connaître le sens de cette parole, car elle n'est pas dénuée de sens. Ainsi, il faut la connaître et croire fermement en son sens. Également, il faut œuvrer, car cette parole implique des actions. Parmi elles, l'amour de cette parole et de ses adeptes. Il est obligatoire d'aimer les croyants, car ils disent et mettent en pratique cette parole. Ainsi, il faut les aimer, les secourir et les prendre comme alliés. Également, cette parole implique de détester ceux qui contredisent cette parole. Il ne faut pas les aimer, car il n'est pas convenable d'aimer quelque chose qui est l'ennemi de celui qu'on aime. Comment aimer ceux qui disent que Isa alayhi salam est le fils d'Allah, ou que Isa alayhi salam est Allah? Comment aimer ceux qui profèrent des paroles abominables envers notre Seigneur, telles que lui attribuer un enfant? Peu s'en faut qu'à ces mots les cieux ne se déchirent, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans Sourate Maryam, lorsqu'il dit: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Ils disent: le miséricordieux s'est donné un enfant. Vous proférez là une chose abominable. Peu s'en faut qu'à ces mots les cieux ne se déchirent, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent du fait qu'ils ont attribué un enfant au miséricordieux, alors qu'il ne sied nullement au miséricordieux d'avoir un enfant. Tous ceux qui peuplent les cieux et la terre se présenteront devant le miséricordieux en serviteur. Également, cette parole, La ilaha illallah, implique de s'écarter des mécréants et de leur pays pour se rapprocher des musulmans. Ceci en faisant la hijra, car en résidant en terre de mécréance, on risque d'entendre des paroles contraires à la ilaha illallah, de voir des actions et des croyances qui contredisent cette parole et ce qu'elle implique. C'est pour cela que la hijra est l'une des plus grandes œuvres par laquelle le serviteur concrétise son désaveu de la mécréance et de ses adeptes. De ce fait, les savants de la Sunna ont toujours rappelé aux musulmans résidant en terre de mécréance l'importance de cette adoration, surtout lorsque l'on sait que celui qui ne peut pas extérioriser sa religion et qui délaisse la hijra, alors qu'il est en capacité de l'accomplir, a certes commis un grand péché. Et malheureusement aujourd'hui, nous voyons que certains musulmans vivant en terre de mécréance cherchent à se lier d'amitié avec les mécréants par tous les moyens, ce qui les pousse parfois à leur ressembler. Or, cela s'oppose à cette parole. Il est du devoir du croyant de détester les mécréants, non pas car ils sont de telle ou telle origine, mais plutôt car ils s'opposent à Allah subhanahu wa ta'ala, et à son prophète. Néanmoins, cela n'empêche pas de les conseiller et de les appeler à la vérité. Ensuite, l'auteur nous dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit « La ilaha illallah » avec sincérité, et dans une autre version, sincèrement avec son cœur, et dans une autre version, en étant véridique avec son cœur, et dans un autre hadith, celui qui dit « La ilaha illallah » et me croit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous cite certaines preuves indiquant que cette parole a des conditions et que pour qu'elle soit profitable, il faut les mettre en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit « La ilaha illallah » avec sincérité. Et la sincérité est une condition de cette parole. De ce fait, il est obligatoire de dire « La ilaha illallah » avec sincérité pour ne pas être parmi les hypocrites, car ils disent « La ilaha illallah » avec leur langue, mais ne sont pas sincères. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui dit « La ilaha illallah » et mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et ceci est une condition immense. Mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Car beaucoup de personnes, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde, disent « La ilaha illallah » sans pour autant délaisser l'adoration des tombes et l'invocation des morts, par exemple. De ce fait, cette parole ne leur est pas profitable, car ils n'ont pas mécru en ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur nous dit, et d'autres hadiths indiquant l'ignorance de beaucoup de gens quant à cette attestation. Effectivement, beaucoup de gens ignorent le sens exact de cette attestation et ont la conviction que la ilaha illallah est une simple parole à prononcer mais qu'elle n'implique pas d'œuvre. Et malheureusement, certaines de ces personnes sont considérées comme des savants malgré qu'ils ignorent le sens exact de la ilaha illallah. Pourtant, ce sont des savants dans la grammaire ou même dans la jurisprudence, et sûrement dans d'autres matières, mais ils ne donnent pas ou très peu d'importance à l'unicité et à la croyance authentique, celle des gens de la Sunna. C'est pour cela, chers auditeurs, que celui à qui Allah a facilité la connaissance de cette voie et de cette croyance authentique doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander de le raffermir sur celle-ci, car c'est Allah seul qui raffermit ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 74 de sourate al-Isra, وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli pencher quelque peu vers eux. Et l'éminent savant, Cheikh Abdurrahman Ibn Nasir al-Si'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans le tafsir de ce verset, ces versets indiquent le grand besoin du serviteur d'être renforcé par Allah. Il doit sans cesse implorer son Seigneur de le raffermir dans sa foi et doit s'efforcer de mettre en œuvre tous les moyens permettant d'y parvenir. Si tel fut le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la plus parfaite des créatures, alors que dire de tout autre en dehors de lui. On tire de cette partie du livre plusieurs enseignements. Le premier de ces enseignements est que la ilaha illallah a des conditions et que sans la présence de ces conditions, elle ne peut pas être profitable. Le deuxième enseignement est la réfutation de certaines sectes. Parmi elles, la secte des soufis, car certains d'entre eux prétendent que celui qui dit « La ilaha illallah » ne peut pas sortir de l'islam. Et ceci est contraire au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, cette parole contredit le verset 65 de sourate At-Tawbah. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Si tu les interroges, ils répondront: nous ne faisions que bavarder et plaisanter. Dis-leur, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquez? Ne vous vous excusez pas, vous avez mécru après avoir eu la foi. Et les savants du tefsir nous disent que la cause de la révélation de ce verset est qu'un groupe de personnes se moqua du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons lors de l'expédition de Tabouk. Allah subhanahu wa ta'ala en informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui révéla ses versets. Ainsi, ce groupe de personnes sortit de l'islam à cause de leur moquerie envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, malgré qu'ils étaient croyants, ce qui montre que celui qui dit « La ilaha illallah » peut sortir de l'islam. Et quelqu'un pourrait se demander sur quoi les soufis se basent-ils pour dire que celui qui dit « La ilaha illallah » ne peut pas sortir de l'islam. Et la réponse à cette question est qu'il se base sur certains hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui dit « La ilaha illallah » rentre au paradis. » Et donc, selon eux, si celui qui dit « La ilaha illallah » rentre au paradis, cela veut dire qu'il est mort sur la foi, car il a interdit le paradis aux mécréants. Néanmoins, cette argumentation est erronée, car dans certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que cette parole a des conditions et en l'absence de celle-ci, elle ne sera pas profitable à celui qui la prononce. Et l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a mentionné certains de ces hadiths. Également, cette parole contredit l'unanimité des savants, car ils sont unanimes que le croyant peut sortir de l'islam par une parole, croyance, acte ou doute. C'est pour cela que dans les livres des différentes écoles juridiques, on retrouve le chapitre de l'apostat, comme l'a mentionné l'auteur lui-même dans son livre intitulé « Kashf al-Shubuhat », le dévoilement des ambiguïtés. Et ce qui est étrange, c'est que certains d'entre eux, c'est-à-dire certains soufis, rendent mécréants certains savants de la sunna, car selon eux, ils font de l'anthropomorphisme. Parmi eux, l'éminent savant Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et ceci montre qu'ils ne sont pas sur une voie claire. Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate la Lumière, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Le troisième enseignement est que cette parole ne peut être profitable que si elle est prononcée entièrement. Car certaines personnes ont des afkar où on retrouve Allah, Allah, Allah. Et ceci n'est pas profitable. Car les savants de la sunna nous disent que la personne n'est pas récompensée lorsqu'elle dit uniquement Allah. Mais il faut plutôt qu'elle rajoute un mot, voire plusieurs. Par exemple, elle dit « La ilaha illallah » ou encore « Subhanallah »« Allahu Akbar ». Tandis que d'autres, dans leur afkar, disent « Hua, hua, hua », c'est-à-dire « il ». Et ceci n'est pas profitable. Et certains savants enracinés dans la science nous disent que le shaitan joue avec ces personnes, car il connaît très bien le rang éminent de cette parole. Ainsi, il détourne les gens de la dire en les incitant à dire « Allah, Allah » ou encore « Hua, Hua ». Le quatrième enseignement qu'on peut tirer est l'importance des œuvres et qu'en général, la simple parole ne suffit pas. Et ceci, chers auditeurs, est un point très important. Car dans beaucoup de textes, nous avons « celui qui dit telle parole aura telle récompense » ou « celui qui fait telle action aura telle récompense ». Mais en général, il y a les œuvres qui doivent suivre. Prenons par exemple le hadith de Abu Huraira, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a 99 noms. Celui qui les dénombre rentre au paradis. Et dans une autre formulation, celui qui les mémorise rentre au paradis. » Et la question qu'on se pose est la suivante. Est-ce que ce qui est voulu, c'est de prendre une feuille et un stylo et de noter ces 99 noms? La réponse est non. Il faut, en plus de les dénombrer et de les mémoriser, mettre en pratique ce qu'impliquent ces noms. Par exemple, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Basir, celui qui voit tout. Ainsi, le serviteur doit s'efforcer de faire ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, aime et agrée, car il nous voit dans toutes les situations. Également, parmi les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Al-Samir, celui qui entend tout. Il faut donc dire des paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée et délaisser les paroles qu'Allah n'aime pas, telles que le mensonge, la calomnie, la médisance, le faux témoignage et autres. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le plus savant.